So when we come here and practice, we apply ourselves to doing the Vipassana practice for developing the mind, developing knowledge, and also we have to take care of our needs, we keep the precepts. And as we do this, we have to give up our usual worldly sense pleasures, the kamaguna, sense pleasures. Quand on arrive ici et on pratique, on s'applique pour pratiquer Vipassana, pour développer l'esprit, pour développer la connaissance. Et on doit aussi prendre soin de ses besoins, maintenir les pressés, et pour faire ça, on doit laisser aller nos plaisirs sensuels habituels, laisser aller les kamas, les plaisirs sensuels. Donc on doit supporter de la souffrance. On laisse du coup nos plaisirs sensuels ordinaires derrière nous, on limite notre sommeil, on doit limiter ce qu'on mange et quand on pratique, on doit contrôler notre esprit. On ne peut pas vivre librement comme si on était à la maison. Ceci sont les façons de souffrir quand on arrive ici. Et ceci sont des choses que des gens qui possèdent l'effort inné peuvent supporter. Quand on arrive ici, on est plein d'énergie pour la pratique. Mais quand on commence à méditer, on sent des picotements par-ci et par-là. On sent des douleurs par-ci et par-là. Il y a de la chaleur, peut-être. Donc, si on n'a pas l'effort, le virya inné, l'effort héroïque, ou on n'en a pas assez, alors l'esprit devient lâche et perd son énergie. Il devient mou. Et quand on expérimente des sensations douloureuses, dukkha vedana, cela fait dépérir l'esprit. L'esprit devient faible et il s'écroule. En ces moments-là, on a besoin d'avoir un renfort. On peut s'encourager soi-même ou on peut recevoir de l'encouragement des autres. On peut recevoir aussi des conseils sur le dhamma. Mais si on ne reçoit aucun type d'encouragement, quand l'esprit s'écroule comme ça à cause du manque d'effort, alors on perd d'intérêt, on perd notre énergie pour la pratique. Et c'est difficile de s'en remettre. Quand on manque d'énergie dans la pratique et on rencontre des difficultés, ça c'est comme si vous avez une grande maison qui est délabrée, qui penche et est en train de tomber. Si on lui donne une poussée, probablement elle va s'écrouler. Sans aucun soutien, si vous la soutenez aux bons endroits, vous pourrez prévenir sa chute. Si vous ne faites rien pour la soutenir, la maison est susceptible de tomber, même avec un petit toucher, une petite poussée. De la même façon, quand notre esprit s'écroule à cause du manque d'effort, pour pouvoir faire face aux difficultés, notre esprit a besoin d'être incité avec de l'encouragement. Par exemple, on peut se dire « Ok, peu importe combien de douleurs je dois rencontrer, je pourrais même mourir en essayant, mais je ne vais pas renoncer. » Ou l'enseignant pourrait nous encourager aussi. Quand l'esprit reçoit de l'encouragement comme ça, cet esprit qui est mou et s'est écroulé, il deviendra ferme à nouveau. La fonction de virya, l'effort, est de soutenir ou inciter l'esprit qui observe. Et son soutien rend l'esprit qui observe énergique, attentif, frais et actif. Parfois, peut se passer que, par exemple, un yogi qui a une maladie chronique et qui, à cause de ça, ne peut pas pratiquer entièrement, parfois, ces gens, ces yogis sont découragés par cette sorte de conditions. Ou un yogi peut pratiquer superficiellement, il pratique en continuation chaque jour, mais leur pratique est superficielle. Donc, ils n'ont pas vu de changement dans leur pratique. Et ça aussi peut décourager les gens. Dans tout cas, peu importe la cause du découragement, il doit y avoir de l'encouragement en ces moments-là. Et l'enseignant peut aussi parler des discours sur l'effort héroïque. Avec ça, l'esprit peut être incité. Au cas contraire, la personne voudra seulement rentrer chez elle. Mais avec de l'encouragement sur l'effort, l'esprit peut devenir enthousiaste. C'est l'encouragement du Dhamma. Et avec le développement de l'énergie, ils peuvent surmonter le problème. Sayadaw voudrait parler d'un exemple de développement de l'énergie mentale en racontant l'histoire des Chittas, qui était une bhikkhuni à l'époque du Bouddha. Elle était une personne qui, en ayant compris d'avoir une existence mentale et physique, et elle a vu leur aspect de souffrance, ceci l'a portée à avoir une urgence spirituelle, dite Samvega en pali, et elle prit son ordination en tant que bhikkhuni. Mais sa santé n'était pas bonne, donc elle ne pouvait pas pratiquer entièrement. Au fur et à mesure qu'elle continuait à pratiquer, elle était devenue de plus en plus maigre. Et en vieillissant aussi, elle était devenue plus faible et devait marcher avec une canne. Quand sa santé était bonne, dans les périodes où elle allait mieux, elle pratiquait diligemment, mais sa pratique n'était pas encore aboutie. Donc, ce qu'enfin s'est passé est que sa santé a empiré encore et en conséquence, sa pratique n'était pas bonne. Ça continuait à se passer, donc elle avait des périodes où elle pouvait pratiquer diligemment, elle avait de la bonne énergie, mais ensuite elle devenait de plus en plus faible. Ses compagnes lui ont dit, bah, sœur, prends soin de ta santé. Mais elle ne le faisait pas, elle ne les écoutait pas. Elle continuait à pratiquer. Et un jour, pendant un effort décisif et diligent, elle a obtenu sa libération finale. Même si son corps était faible, son esprit était ferme et elle n'avait pas écouté ses compagnes qui lui conseillaient de se reposer. Elle a pris la décision d'incrémenter son énergie. Elle a décidé, elle s'est dit, aujourd'hui, je vais pratiquer avec acharnement. Et même s'il y a beaucoup de douleurs, alors, même si je meurs, et alors, je peux mourir ou seront les Kiesa à mourir. Ça sera moi ou elle. Avec cette intention de pratiquer avec acharnement et éliminer les pollutions mentales une fois partout, elle monta sur une colline en utilisant sa canne pour se soutenir. Et parfois, elle se traînait même. Mais elle était quelqu'un qui n'a jamais perdu son attention. Il n'y avait pas de manque dans son attention quand elle faisait ça. Elle avait réalisé la fin du chemin et ses vipassanas, sati et samadhi étaient bonnes. Quand elle est arrivée à la fin de la colline, elle avait réitéré sa détermination à pratiquer jusqu'à la fin des Kilesas ou jusqu'à sa mort. Et avec cette féroce détermination, un peu de temps, sa pratique développa jusqu'au but. Et ses Kilesas ont été complètement éliminés. Elle était devenue une arahante. Même si, quand elle a escaladé la colline, elle était faible, après être devenue une arahante, elle était pleine d'énergie et de force, et son visage était clair et lumineux. Donc, la bonne pratique a rendu le bien-être à son corps. Et quand elle est descendue de la colline, ses amis ont noté ça. Elles étaient étonnées. Elles lui ont dit, la façon dont tu as monté la colline était complètement différente de la façon dont tu en es descendue. Qu'est-ce que s'est passé? Donc, elle avait reporté de sa détermination à pratiquer et elles l'ont félicité. Le Bouddha a décrit la valeur du type d'effort dit virya de cette façon. Yocha vasasatam jive, kusito inabirio, ekaham jivitam seyo, viriyamarabato dalam. Ça veut dire une personne qui développe l'effort de cette façon au point de devenir un facteur d'illumination. Faire un effort sérieux un jour dans leur vie, c'est mieux que 100 ans d'une personne qui vit sans exercer aucun effort. Les yogis, maintenant, ils font un effort chaque jour afin de repousser les pollutions mentales en observant les objets qui apparaissent avec énergie mentale. Ça est l'effort ordinaire qu'on fait. Et puis, de temps en temps, on doit rencontrer des difficultés. Et donc, on augmentera l'effort pour surmonter ces difficultés et les dépasser. Et quand ça a lieu, ça est satisfaisant. Était une raison de bonheur, car on a les bienfaits de cet effort qui a été boosté. Le mot kusita a été utilisé dans le gata qui fait référence à une personne qui ne connaît pas les bienfaits qui peuvent être acquis en appliquant de l'énergie mentale. Et par conséquent, ils ne font rien ni de façon mondaine ni dans la façon du dhamma. Ils n'appliquent aucun effort, qu'il soit dans les questions mondaines ou dans les questions concernant le dhamma. Une personne comme ça est appelée kusita, et ça signifie qu'il est méprisable, dégoûtant et paresseux. Une personne qui est paresseuse comme ça, qui ne fait aucun effort dans des choses qui pourraient l'améliorer et être bénéfiques, ils sont blâmés par les autres comme des fainéants. La raison est qu'ils ne font pas de l'effort qui pourrait leur faire du bien. Une personne comme ça ne fait pas de l'effort pour acquérir les bienfaits qui viennent de l'effort. Ils ne font pas de l'effort quand il y en a besoin. Donc, ils n'expérimentent pas les bienfaits qu'ils pourraient gagner et les autres, ils les blâment et ils les critiquent pour ça. De même, pour les yogis, vous ne devrez pas devenir quelqu'un qui se laisse blâmer comme ça. On doit faire l'effort, ne pas reculer dans la pratique. On doit faire l'effort qui est requis par la pratique. Sinon, ce ne seront pas les autres qui nous blâmeront autant, mais on se blâmera nous-mêmes aussi pour ne pas avoir fait l'effort qu'on aurait dû faire. Le Bouddha a dit qu'une personne comme ça est Kusito inawirio dukkha viharati, qui signifie et un fainéant, quelqu'un qui demeure dans la souffrance. Mais donc, comment ça se fait qu'il demeure dans la souffrance? C'est parce qu'il pense toujours à ce qu'il veut voir, ce qu'il veut ouïr, goûter, toucher et sentir. Donc, son esprit, il pense toujours à des plaisirs sensuels, ce qui est de kama vitaka. Mais bien sûr, de temps en temps, si les choses ne vont pas comme cette personne il veut, il y a aussi de la colère. Biyapada vitaka, le penser de vouloir détruire les autres. Vivre comme ça est malheureux. Et de temps en temps, il peut y avoir des pensées de donner des ennuis aux autres, de faire souffrir les autres. Ça est vimsa vitaka. Ceux-ci sont trois types de pensées erronées appelées Micha Vitaka. Et une personne vit dans ça s'il ne fait pas l'effort dans la pratique. Cette personne demeure dans la souffrance et ne peut pas expérimenter le goût du Dhamma. Et le Bouddha a dit aussi que ce qui se passe est que l'esprit qui est dominé par la paresse et la torpeur est appelé Kosaja. L'être très paresseux. Quand une personne se sent paresseuse comme ça, elle ne veut pas garder les préceptes, la moralité, elle ne veut pas développer l'esprit. Sans moralité, il n'y a pas de développement de la concentration. Donc, ils perdent les bienfaits qui arrivent d'un esprit concentré. Et sans concentration, ils ne peuvent pas développer la connaissance vipassana. Et ils perdent les bienfaits de la sagesse qui peut être acquise à travers la pratique, car leur esprit est dominé par une paresse intense appelée kosaja. Le Bouddha a dit « Sadatam cha parihapeti ». Une personne qui est paresseuse ne demeure pas seulement dans la souffrance, mais aussi elle rate les choses qui pourraient être bénéfiques pour elle. Quand quelqu'un pratique vraiment et atteint l'état où Virya Sambojanga a une cause, alors il possède ce qui est appelé Arada Virya, l'effort qui est bien développé. Cet effort il ne baisse jamais, il ne stagne non plus, il augmente moment par moment et jour par jour. Quand quelqu'un possède cet effort bien développé, Arada Virya, alors il demeure heureux, le Bouddha a dit. Pourquoi? Parce qu'il est libre des trois types de pensées erronées, Micha Vitaka. Et par conséquence, il vit avec un esprit clair et en plus, il a appliqué l'effort. Donc, moralité, concentration et sagesse arrivent à leur accomplissement. Avec cet effort bien développé, le yogi est actif et énergétique. Quand les yogis appliquent l'effort développé comme ça, ils arrivent à voir comme leur moralité, leur concentration et leur sagesse sont développées. Et ils pensent, du coup, ce dhamma, il est très bien. Et leur esprit devient ferme. Il n'a plus de paresse. Et avec cet esprit ferme, il devient déterminé. Donc, il continue simplement dans la pratique. Ce virya se manifeste et il ne recule pas. Il continue tout droit en étant sûr de surmonter toutes les difficultés. Et ça est appelé en pali Asamsidana Bhava Pachupatana. Virya, l'effort, se manifeste dans l'esprit du yogi comme cette énergie qui continue à aller tout droit avec confiance et sans reculer. Les yogis, quand développent virya comme ça, ils surmontent l'état d'esprit dominé par la paresse et la torpeur appelée kosaja, la paresse extrême. Ça est le dhamma qui ont développé en soi, le dhamma de l'effort puissant. Mais on doit encore discuter de comment ça se fait que l'effort apparaît, comment on génère de l'effort. Les yogis, maintenant, ont rencontré des choses comme Dukkha Vedana, par exemple, où ils ont pu rencontrer l'esprit qui vagabonde. Sayado espère que vous serez capable d'adresser ces difficultés sans paresse. Surmonter la paresse qui peut apparaître quand vous êtes en difficulté et appliquer l'effort pour surmonter les difficultés que vous rencontrez. Car si vous appliquez l'effort pour les surmonter, ces difficultés vont reculer. Donc Sayado espère que vous puissiez être capable de pratiquer pour développer une énergie mentale fraîche et active. Et pendant cette courte période de temps qui vous reste les prochains jours, puissiez-vous réaliser les bienfaits de la pratique. Sadhu, sadhu, sadhu. နောက်နေ့မှာပဲဆက်ပြောကြတာပေါ့အဲ့ရောဂီတွေကဟိုလောလောဆယ်မှာတော့မိမိမှာတရားရှိမှတရားခိုက်တဲ့ကာလမှာအဲသူအပြင်ကခန္ဓာကိုယ်မှာမတက်မတားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားရတတ်တယ်အဲဒါတွေကိုတိခံပြီးတော့ကြိုးစားတာနဲ့မှတ်ဖို့လိုမယ်စိတ်ကြီးကိုယ်တွေ့ကြည့်တွေ့နေအတွေ့နဲ့မျောနေတတ်တယ်အဲဒါတွေကိုလွတ်မထားဘဲနဲ့ Sadhu, sadhu, sadhu.